Bonsoir à tous, 19h au Mans Micro, on est ensemble et en direct jusqu'à 19h30, on se mercredi 17 décembre pour la toute dernière émission en direct de cette année 2014. Archiphonique, c'est votre émission culturelle hebdomadaire 100% consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Salut Camille. Salut Romain. Alors Camille, tu vas nous causer de quoi ce soir? Ouais, j'ai envie de parler des cyclistes et de leurs cousins. De leurs cousins. Ouais, ceux qui se déplacent de D'accord. manière douce. Très bien, c'est dans quelques instants. Voilà, restez avec nous, juste après ta chronique Camille. Nous recevrons dans nos studios ce soir Mathilde et Didier, un monsieur très polyvalent, je crois, qui viendront nous parler d'un sujet en particulier. Ce soir, il s'agira des non-cyclettes. Vous en avez forcément entendu parler ces derniers temps. C'est une manifestation à ne pas manquer. On en parle dans une poignée de minutes sur Fadject. Donc restez avec nous si vous êtes cycliste quotidien et même occasionnel. Et surtout, si vous n'êtes pas cycliste, ça devrait vous intéresser. On n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de notre émission, bien sûr, www.facebook.com/archiphonique. Parce qu'archiphonique, Camille, c'est quoi? C'est une passion, je crois, pour toi. Oui, d'accord. Tu devrais connaître la phrase à force. Bon, c'est la seule émission à vous parler de tout ce qui vous entoure. Et c'est tout de suite sur Fadject. Beau tapis, donc. Oui. Aujourd'hui, j'avais forcément envie de vous parler de vélo. Et je suis venu à vélo. Et en promenant à vélo, je me demandais comment on allait en parler. Alors, on s'attend à parler des non-cyclettes, une manifestation en ville. Je sais qu'on va parler de l'appropriation de l'espace public, des usages, qui fait quoi. Mais le vélo, c'est qui en ville, finalement? Alors, je regardais autour de moi sur l'itinéraire pour me rendre à la radio, à Fadject, ici, oui. Rue Charles III. En passant par la PEP, bah, forcément, on y voit les gamins. Alors, les gamins à vélo, déjà, premier problème. Est-ce qu'ils vont sur la route, les gamins à vélo? Bon, et sur la route, qui on y trouve finalement à vélo? Le facteur, évidemment. Et encore. Et souvent, il est sur le trottoir, il le pousse son vélo, il nous encombre, celui-là. Et puis, il est bien souvent en voiture maintenant. Le facteur, il y a d'autres travailleurs également à vélo. On le connaît tous, le coursier du centre-ville, je ne sais pas si vous le connaissez par son petit nom, Richard, avec ses lunettes et sa barbiche, qui passe sa journée à faire brabois, ton blaine, brabois. Il en a marre, le pauvre, on le maltraite, mais c'est vrai, c'est un métier difficile, mais c'est un coursier à vélo, finalement, il fait rêver tout le monde. D'ailleurs, il vient de s'acheter un nouveau vélo, je ne sais pas si vous l'avez vu, un Bullitt magnifique. Deux roues, une plateforme devant, la classe. D'autres travailleurs à vélo ou autour du vélo, alors je compte sur Mathilde et sur Didier pour m'aider. Les travailleurs à vélo, on a la police aussi, qui vous accompagne parfois. Donc un métier plutôt sympathique, une approche sympathique. On sait que la police fait des efforts pour être sympathique, hein. On en a vu à chevaux aussi. Qui on retrouve encore à vélo, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, il n'y a plus grand monde, hein. Alors on peut parler aussi des métiers qui tournent autour du vélo. On va parler forcément de Baptiste et de Dynamo, qui créent un élan important en termes non seulement d'appropriation de ce moyen de déplacement, mais également un travail autour de l'insertion grâce à Dynamo. Des gens qui vous aident à réparer vos vélos. Il y a des métiers un petit peu plus classiques. On connaît aussi anciennement Cyclotop, maintenant la maison du vélo, voilà, mm-hmm. qui est dans la même rue que la radio d'ailleurs. Voilà, qui vous accompagne pour le choix d'un vélo, la location. Et puis les commerçants autour du vélo. Alors finalement, on n'en trouve plus beaucoup en ville. Il y en a plus beaucoup, ouais. Ouais, voilà. Étonnamment, parce que c'est là où on devrait en trouver le plus. Ben voilà, on les réclame. Ouais. Sinon, faut aller essayer à pied et revenir en vélo. Ça reste une économie importante. Et puis leurs cousins évidemment, il n'y a pas que les vélos et le problème des déplacements doux, c'est une véritable problématique sur la route, sur les trottoirs, où est-ce qu'ils vont finalement? Alors on identifie les trottinettes. Il y a encore des cyclistes qu'on a oubliés, c'est les utilisateurs de Vélostan, de Vélib. Exact. Et toute une économie qui tourne autour aussi, ouais, du coup. Ouais, voilà, qui respectent pas grand chose, les utilisateurs de Vélib. Ils respectent pas beaucoup les vélos, le code de la route, on en parlera. Oui, moi je parlais des parents pauvres finalement, développent un petit peu les trottinettes, on sait pas où les mettre. D'un autre côté, les rollers, ils font une manifestation une fois par mois, je crois. J'en vois de moins en moins des rollers. Mais moi, j'en fais pas. Mais je sais que une fois par mois, ils se retrouvent eux pour faire une balade et tout. Avec leur gilet fluo. Ce qu'on essaye de gré maintenant avec la Nancyglette, ça fait longtemps que ça tourne et qu'ils prennent toujours plaisir à faire ça. Donc, il y a peut-être pas mal de rollers en finale dans Nancy. On les voit de moins en moins. Est-ce que c'est encore un réel moyen de déplacement? Je sais pas. Non. Plutôt un moyen de promenade, comme les cyclistes, beaucoup de promeneurs et de flâneurs à vélo. D'ailleurs, on a Thierry qui fait partie du collectif Vélorussion, anime également des circuits rollers et ils ont longtemps assuré le service d'ordre sur les passages de Vélorussion, les rollers. D'accord. Ce sont nos potes, les rollers. Bien. Et les nouveaux qui arrivent, alors les trottinettes à moteur. Moteur, Burk. Bof. On a oublié quelqu'un, les coureurs du Tour de France. Si, ils sont importants. Sacrée économie du vélo, ceux-là, faut toujours avoir le dernier. Avec plein de voitures derrière. Ouais. Mais est-ce qu'à partir du moment où la trottinette elle a un moteur, est-ce qu'on considère ça comme quelque chose de doux? La question se pose vraiment. Et les Segway, ces deux roues parallèles avec un seul manche, étrange. Oui, et les gens qui sont, on dirait qu'ils sont en lévitation là, au-dessus du sol quand c'est ça. Il y a les solo wheels aussi, une seule roue entre les jambes. Il y en a quelques-uns à Nancy, c'est assez étonnant. Bon, ça, c'est une véritable question. J'espère qu'on va en parler ou l'aborder. C'est quelle réglementation? Comment utiliser l'espace public quand on est mu par une roue, mais de manière douce, motorisée ou non? On peut parler des vélos assistance aussi, hein, finalement. Est-ce qu'ils sont encore des vélos? Tout ça, on va en parler tout de suite, alors. Voilà, quelle transition fantastique. Ma vie, c'est merveilleux. On ne représente personne, hein, je crois que c'est pas la peine. On va tout de suite rentrer dans le sujet. Les Nancyclettes. Alors, les Nancyclettes, c'est un événement qui se passe chaque premier samedi du mois à 15h et le deuxième vendredi du mois à 18h, place d'Alliance. Vous donnez rendez-vous à ces deux moments-là aux cyclistes et aux non-cyclistes. Pourquoi? C'est the question. Oui. Alors, pourquoi les non-cyclistes? Tout simplement parce que il y a un aspect... Donc, Nancyclette, qu'est-ce que c'est? C'est une masse critique. Donc, masse critique, ça veut dire tout simplement que les gens qui ont le même hobby ou le même plaisir, à savoir faire du vélo, donc se réunissent entre potes et décident tout simplement d'aller se promener à vélo dans la ville. Seulement, au lieu d'aller se promener à 2-3, on va se promener à 50 ou à 80 vélos dans la ville. Et les non-cyclistes, parce qu'il y a un aspect de la masse critique, c'est l'aspect festif. Et dire qu'une masse critique, c'est pas toujours quelque chose qui roule, c'est quelque chose des fois qui s'arrête, et donc il y a beaucoup de choses à faire ou à prévoir au niveau des pauses que vont faire les masses critiques et la Nancyclette. Oui, et puis on se donnait rendez-vous aussi dans un endroit un peu calme et un peu à part, quoi, à côté de la place Stanislas, la place d'Alliance, donc, parce que ça nous permettra aussi en été, si le mouvement survit à l'hiver qui s'annonce, de faire des pique-niques, etc., avec des gens, voilà, qui sont en trottinette ou à pied, donc qui font pas forcément pouvoir suivre le cortège, mais voilà, qui vont aussi partager la même utilisation de la ville que nous. C'est-à-dire, on sait pas vraiment comment l'utiliser, en fait, quand on est en vélo ou en trottinette. La place d'Alliance, c'est un cadre idyllique pour ça. Voilà. Bon nom. Alors, masse critique, c'est aussi une façon de dénoncer la place du vélo en ville, on suppose. De revendiquer. Une manière de... De revendiquer la place du vélo. De critiquer un peu les dangers qu'on peut trouver quand on est cycliste, auxquels on peut faire face. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui sont super contents de pouvoir faire cette balade en vélo parce que tout seul, ils n'osent pas prendre leur vélo, quoi. Quand on est tout seul, les voitures nous frôlent et tout. Là, on est souvent un cortège. Bon, là, on est carrément en sécurité, quoi. Ils se sentent plus en sécurité dans le cadre de Nancyclette, ouais. Donc il y a ce problème-là, ouais, de la sécurité en vélo. Beaucoup de gens font pas de vélo à Nancy, pas parce qu'ils sont pas sportifs, pas parce qu'ils ont pas forcément envie, mais c'est juste parce qu'ils ont peur, en fait. Ouais, je confirme. Hein, d'ailleurs, on dit Nancy pour plus de facilité. Hein, on va parler de Nancy, mais on parle pas que de Nancy intramuros. Oui. On parle bien sûr de toutes les communes de l'agglo. D'ailleurs, la sécurité, cette absence de sécurité, elle est hyper visible. Quand on est sur des grands axes dans Nancy, normalement avec un peu de chance on trouve des aménagements cyclables. Dès qu'on passe le panneau Nancy, ben 99% des cas, on n'a rien, il y a plus rien. Voilà. Donc là, c'est flagrant. Et donc déjà l'idée aussi de la promenade en cortège de vélos sécurisés, ben, c'est bien aussi de montrer que c'est pas parce que on a passé le panneau Nancy qu'il faut s'arrêter, quoi. Donc c'est effectivement très revendicatif, oui. Alors l'idée du vélo aussi, c'est une manière de faire une promenade en ville autre que la voiture, parce que la voiture, est-ce qu'on peut vraiment profiter de la ville derrière ses carreaux? On n'a pas le même regard. Après, dire qu'on peut pas profiter en voiture, sans porter de jugement sur ce que les gens préfèrent ou tout ça. Voilà, nous, on préfère faire du vélo ici autour de la table. mais après, c'est tout à fait compréhensible, notamment les jours de pluie, les jours où il fait froid, etc., que des gens trouvent du plaisir à être dans leur voiture bien au chaud. Enfin, je suis aussi utilisatrice de voiture. Alors, les fesses mouillées tous les jours, c'est peut-être pas non plus. Voilà, ouais. Après, il y en a qui bénéficient d'un préau peut-être, mais oui, mais la plupart des cyclistes, on les fait se mouiller les jours où il pleut. Du coup, c'est les vélos, ça, j'ai perdu le fil. Allez, c'est bon. J'ai perdu le fil avec la vanne. Ouais, vous pouvez répéter la question. Tu me fais bien, Didier. Non, mais du coup, là, on parlait de quoi avant des fesses mouillées, parce que ça m'a fait rire, et puis après. C'était des promenades en ville. Oui. Oui, est-ce qu'on peut apprécier le. Est-ce qu'on peut flâner en voiture? Non, c'est moins, pas. C'est moins évident, on peut pas, c'est sûr. On peut pas flâner en voiture. Non. Mais, ou alors on flâne beaucoup plus avec tous les feux et tout. Non, c'est vrai que le plaisir est pas le même, et le regard est pas le même. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Non, je pense qu'on peut pas. On peut pas mettre le même mot balade voiture et balade vélo, même si en vélo je suis sur la route, bien entendu je respecte toutes les contraintes et le code de la route, mais si je suis en vélo je peux m'arrêter quand je veux, n'importe où, voilà, un petit, j'ai envie de m'asseoir ou de m'arrêter au pied d'un arbre, place Carnot, je peux le faire. En voiture je peux pas, donc en voiture on est trop contraint de respecter son trajet, et voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui se privent pas de s'arrêter. D'ailleurs, j'en profite pour pousser un petit coup de gueule. Messieurs les automobilistes, si vous pouviez éviter de garer vos voitures sur les bandes cyclables, ça serait quand même très pratique. Alors, se garer sur une bande cyclable, à la limite, quand on a les clignotants, machin, quand on voit la voiture, c'est bien. Être arrêté tout feu éteint, et ouvrir la portière sans regarder s'il y a un cycliste qui arrive, ça c'est vraiment pas bien, quoi. Ça m'est déjà arrivé deux fois, c'est pas terrible, ouais. Véritable problème quand on se promène avec ses enfants, hein. les pistes cyclables, les voitures garées, les enfants qui font mal du vélo, c'est une véritable épreuve de force. Alors, est-ce qu'il y a des enfants aux non-cyclettes? Pas pour l'instant. Il y en a eu un. D'accord. Un peu peur d'ailleurs. Mais c'est un cercle vicieux aussi, parce que du coup, les pistes sont pas sécurisées. On apprend à nos enfants à faire du vélo dans des endroits qui ne sont pas spécialement prévus pour à la base. Et du coup, les enfants ne prennent pas le pied du vélo. Oui. En fait, c'est un, comment dire, c'est presque un faux débat, cette histoire, parce que, moi, j'utilise mon vélo tout le temps. Donc, il y a un truc qui, souvent, ça m'énerve ou ça me fait de la peine, c'est quand je vois des gens, utiliser très consciencieusement les parcours vélo quand ils sont les parcours piétons quand ils sont en vélo, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils viennent pas sur la route avec moi, etc. Et donc en fait ces histoires de sécurité, c'est les aménagements cyclables, il en faut, parce que il en faut pour montrer aux voitures qu'il y a aussi des vélos. Moi je dissocie pas tout ça du code de la rue. Il faudra qu'on y vienne un jour à ce code de la rue, hein, en disant voilà, il y a X personnes qui utilisent la rue dans la ville, et il faudrait quand même que la rue elle soit adaptée à tout le monde et pas uniquement aux bagnoles. Et toutes ces histoires de sécurité, en fait on le voit bien, on le montre bien, on le démontre avec la Nancyclette, c'est que dès qu'on est plusieurs cyclistes, automatiquement la sécurité elle est optimum. Voilà. Et donc ce qu'il faut vraiment amener aux gens, et moi pour ça je crois à Nancyclette aussi, c'est que il faut montrer que le vélo c'est pas dangereux en tant que tel, et si les cyclistes prennent leur place dans la rue, sur la route, on fera baisser le danger, mais de façon très sensible. Vous parlez du code de la rue juste avant, qu'est-ce que vous pensez des rues partagées qui fleurissent un peu partout en ce moment? Qu'est-ce que vous entendez? Alors la rue partagée, rue piétonne, cyclable, où les voitures peuvent passer aussi. Sorte de rue ou sans rue, quoi. Ouais. C'est... la cohabitation vélo piéton voiture comme ça sauvage, ça me paraît pas top quand même. Il faut quand même qu'on voit. Est-ce que c'est pas une façon aussi de faire attention à l'autre, d'imposer de faire attention à l'autre? Ça non, enfin je pense sans éducation avant, sans sensibilisation avant, c'est dangereux. mais après en sachant que certaines zones, il y a certaines zones où on doit faire attention à tout le monde, etc., et où tout le monde a les mêmes droits. Là effectivement, ça serait plutôt intelligent comme manière de gérer peut-être, mais il faut une sensibilisation avant. On revient dans quelques instants pour continuer à parler vélo. On se fait une petite pause avec Robert Francis Darkness et puis on revient dans quelques instants. À tout de suite. No part of town, got no friends to carry you around. I can hear you calling in the dead of the night, behind the moon bounce, waiting for the light. No one's gonna find you if you ever get lost this time. Well, I never wanna see you alone. The old motel, you were tearing apart the windows, tearing apart yourself. I helped you when you were in a bind. Good love is hard to find, but no one's gonna find you if you ever get lost this time. I never wanna see you alone. Darkness be my friend tonight. I never wanna be alone. I never wanna see her alone. Darkness be my friend tonight. Darkness be my friend tonight. I never wanna be alone. I never wanna see her alone. Darkness be my friend tonight. Darkness be my friend tonight. I never was the one for you. Part of town, got no friends to carry you around. I can hear you calling in the dead of the night, behind the moon bounce, waiting for the light. Darkness, Robert Francis, vous êtes sur Fadjet, il est 19h18, on est de retour dans Archiphonique pour parler des Nancyclettes et on parlait de la rue juste avant. Alors on se pose aussi la question de la place de la voiture dans la rue, avec notamment les parkings, Mathilde. Oui, bah, j'étais assez effarée de voir le nouveau projet de Nancy Grand Cœur, donc qui va être sur le parking de l'Éléphant Bleu là. Donc il va y avoir des centres commerciaux, des résidences, etc. Et en fait, va aussi y avoir un grand parking au centre-ville. Donc en fait, c'est toujours cette même question de, on accorde toujours, enfin Nancy, quand je dis je ne sais pas, juste la communauté urbaine du Grand Nancy accorde beaucoup de place aux voitures encore, et du coup, voilà, c'est cette question, ça m'énerve un peu, tout en sachant qu'ils ont réduit les transports en commun. On parlait de transports doux ou voilà intermédiaires, voilà, de 7%. Donc voilà, c'est des décisions qui vont complètement à l'encontre de, ben voilà, d'une certaine, de nouvelles mobilités, de, voilà, des jolis mots comme la mobilité douce. Alors, chose très intéressante pour le parking, on avait Nicolas Depouteau il y a quelques semaines dans cette émission qui nous parlait du parking Barès juste à côté de la cathédrale, et on en est venu à parler du parking des Deux Rives qui se situe juste à côté du Leclerc, quartier Rive de Meurthe, et on critiquait justement la position de ce parking, puisque pourquoi mettre un parking là, le déposer et prendre le tram, alors qu'il suffit par exemple pour aller au Saint-Seb de continuer quelques mètres et d'aller se garer au Saint-Seb. Là, c'est, ça interroge aussi, ça revient à ce que tu dis, ça interroge aussi la position des, la place dans la ville des parkings, des grands parkings comme ça. Et c'est vrai que grand cœur, finalement, qu'est-ce qui engage à prendre les transports en commun si c'est pour aller se garer en plein centre-ville? C'est comme le parking Saint-Seb, finalement. Ouais. Bah, c'est une question qui est posée depuis longtemps, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, on réfléchissait à la transmodalité, à savoir utiliser le réseau ferré Nancy-Metz pour faire des gares intermédiaires qui auraient dû être à Maxéville et de permettre à avoir des trams qui utiliseraient les mêmes voies ferrées, etc. Pour, parce que la problématique, comme toutes les grandes villes, c'est pas les bagnoles qui sont en ville. La problématique, c'est les bagnoles qui sont hors de la ville et comment on peut faire pour pas qu'elles rentrent. C'est ça le truc, quoi. Et là, il n'y a pas 36 solutions, quoi. C'est des parkings à l'extérieur et puis des transports en commun dignes de ce nom, c'est-à-dire des trucs toutes les 10 minutes, quoi. Sinon, bah, les gens, bien sûr, qui rentreront en ville avec leur voiture. Après, une fois qu'ils... L'autre solution, c'est de dire, bon, OK, on les laisse rentrer en ville avec une voiture, mais il faut que la voiture, ils la mettent quelque part. Et après, qu'est-ce qu'on leur propose, quoi. Voilà. S'il n'y a pas de transport en commun et si la sécurité de tout ce qui est vélo, par exemple, laisse, allez, on va être gentil, grandement à désirer, hein, ça évitera de dire des gros mots à l'antenne, comment on veut que les gens prennent le vélo. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une incohérence un peu de plus en plus large. Chaque fois qu'il y a des élections, Grand Nancy, quand, moi, bon, je suis politisé par ailleurs, donc j'ai pas mal de docs. Bah, c'est simple, la com de Grand Nancy, à chaque fois à l'éveil d'élection, les premières pages, c'est toujours une nana sur un vélo, hein, et le soleil et tout ça, et de la place et pas de bagnole autour. Et dans la réalité des faits, c'est que bah, les pistes cyclables, elles sont pas faites. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais être désagréable. Dans le projet d'urbanisme, d'Alexandre Chemetov pour le quartier encore Rive de Meurthe, il est question d'un grand boulevard urbain qui contournerait comme ça Nancy. Et finalement, la place du vélo est encore questionnée dans ce projet. On se pose un peu la question des réelles motivations de la ville de Nancy pour donner de la place au vélo. On pense à la ville de Strasbourg qui développe à très grande échelle la place du vélo. Est-ce que finalement, c'est pas de la mauvaise volonté? Est-ce que ce serait pas plus facile? Bah, dans les enquêtes publiques qui ont été faites pour la voie du tram 1, la voie du tram 2, la place du Vélodrome, hein, etc., le nouveau pont des Fusillés, etc., il y avait toujours sur les plans les espaces pour la voie publique, c'est-à-dire qu'on respecte tout à fait la loi sur l'air de 98, on montre des plans avec des aménagements cyclables. Et dans la réalité des faits, quand les choses sont construites, il n'y a pas les aménagements cyclables. Après, maintenant, si on peut dire que c'est la mauvaise volonté ou je ne sais pas, mais le constat, il est là, quoi. Les aménagements cyclables sont pas là. Moi, j'ai été à Nantes il n'y a pas longtemps. C'est une ville, c'est super, quoi, parce que ça se voit. C'est-à-dire qu'on est dans Nantes, on voit qu'il y a l'espace pour les bus, on voit qu'il y a l'espace pour les voitures, on voit qu'il y a l'espace pour les vélos. Et tout le monde cohabite gentiment, sans problème, parce que tout le monde circule. Parce que la politique de la rue a été faite, les piétons, ils ont leur espace, et les endroits où tout le monde se rencontre, eh ben, ils sont sécurisés. Et puis voilà, quoi. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut exclure personne, mais il faut tout sécuriser pour permettre aux vélos de prendre toute leur place sur la rue, parce qu'ils ont leur place, bien sûr. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais lorsque ces grands plans d'ensemble, chez Metoff, Rive de Meurthe, Plateau d'Est, c'est difficilement accessible à vélo, ils ont été élaborés, quelle était la position du vélo dans Nancy? Est-ce qu'il y a 15 ans, 20 ans, on se posait les mêmes questions? Il n'y avait pas encore eu de vélorution, il n'y avait pas tous ces anneaux pour accrocher les vélos qui fleurissent maintenant un petit peu partout, pas de début d'aménagement de pistes cyclables non plus. Alors, est-ce que les décideurs de l'époque... Le décideur de l'époque avait conscience de ça. Est-ce que c'est réellement rentré dans le cahier des charges? Est-ce que... Oui, il y a eu des choses de fait. Hein. J'étais pas là. On a bien vu, c'est-à-dire que au fil de l'histoire des vélorussions successives, donc il y a eu des avancées, des bandes cyclables. On parle pas de pistes, hein, en ville. Donc, les bandes cyclables, les dernières en date, c'était les tournées à droite, etc. Il y a des aménagements, bien sûr. Mais ils sont pas suffisants, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on comme on le suggérait tout à l'heure, Il y a pas un refus. Je pense que les gens qui sont aux manettes et qui ont besoin de gérer tout ce gros pataquès que doit être le centre-ville de Nancy, et je pense qu'ils sont tous de bonne foi et que voilà, ils essayent de faire de leur mieux. Mais à partir du moment où on a encore jamais entendu quelqu'un dire la sécurité vélo, ça va être notre priorité. Ça, on l'a jamais entendu, quoi. On voit des aménagements fleurir en général au moment des élections, mais et alors que la sécurité vélo en ville, c'est primordial, quoi. Plus il y aura de gens sur des vélos, moins il y aura de gens dans les bagnoles. Donc il y aura moins de bagnoles qui vont circuler, etc. Mathilde. Je croyais qu'elle allait se lancer. Moi aussi, ouais, je pensais. En fait, non, je voulais dire que les vélos. Enfin, oh, j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas très grave. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste juste 30 secondes. On va reparler des Nancyclettes. Oui. Évidemment, rappeler cet événement qui se passe chaque premier samedi du mois à 15h et le deuxième vendredi à 18h, Place d'Alliance. Il faut rappeler aussi que c'est un événement festif et que c'est tout bénef si on y va, quoi. Voilà. Donc le prochain, c'est le samedi 3. Janvier 2015. Donc ça sera l'occasion d'aller prendre l'air et puis et voilà, et si tout le monde peut venir déguisé comme il a envie, ça serait vraiment super. Avec des confettis pour fêter la nouvelle Pourquoi année. Pourquoi pas, et puis à boire, à manger bien sûr. Bah, comme on le disait au moment des vélorussions, vous venez avec votre casse-croûte dans le sac à dos et un vélo au point. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Mathilde Didier d'avoir été avec nous. Merci. Camille, tu vas nous emmener faire une petite découverte pour cette fin d'année. Bah, bonne balade à vélo puisqu'il va falloir aller jusqu'au lac de la jusqu'au lac de la Madine, où Caroline Leloup, architecte, et Katharina Dubravkova viennent de livrer un magnifique observatoire ornithologique, donc une petite plateforme en bois finement ciselée au bout d'un ponton qui va permettre de contempler les espèces qui sont restées cet hiver sur le lac. Les migrateurs sont déjà passés, donc vous pourrez aller attendre ceux qui vont revenir. Merci beaucoup Camille, on te retrouve l'année prochaine dans Archiphonique. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur internet, sur le site officiel de la radio, fadjet.net, pour écouter ou réécouter l'émission de la semaine. Rendez-vous pour cela dans la rubrique Archiphonique. La semaine prochaine, mercredi 24, vous pourrez retrouver une émission qui commence à dater mais qui fait du bien à réentendre. C'est l'émission de Noël de l'année dernière qu'on avait enregistrée lors de la première saison. Et puis le 31, on vous laissera profiter pleinement de la ville et des espaces que vous investirez. Pour vous souhaiter la bonne année, on n'en doute pas. On va se quitter avec du Georges Brassens, le Père Noël et la petite fille. À suivre sur Fadjet, c'est le menu étudiant présenté par Flo qui reçoit Nobody. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et vous fais plein de bisous. Salut Camille. Salut Romain. Au revoir à tous et bonne année. Dans l'avance. Salut.